franceinter.fr. Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité dramatique et néanmoins théâtrale, avec les ubus déchaînés de la critique Armel Hélio du Figaro, Gilles Costaz de Politis, Vincent Josse de France Inter et Jacques Nerson de Valeurs Actuelles et du Paris Obs, pour parler ce soir des pièces de Tchekhov, de Pirandello, de David Mamet, de Jean-René Lemoyne, d'Alfred Jarry, de Musset, de Besset, mais également, et oui, d'Éric Cantona, d'Emmanuel Béard, d'Yvan Attal et beaucoup d'autres. Dans le courrier de la semaine, il fallait s'y attendre, les fans qui font actuellement un succès aux Liaisons dangereuses au Théâtre de l'Atelier ne décollèrent pas. Accrochez-vous quand même. Régine Dalbord, qui a 18 ans, qui habite Gennevilliers. Merci Jérôme d'avoir défendu seul ces enthousiasmantes Liaisons dangereuses montées par John Malkovich avec une jeunesse ébouriffante, et merci d'avoir traité publiquement vos critiques de cul serré, c'est ce qu'ils méritent. Gilles Cando, l'assassinat par vos critiques des Liaisons dangereuses m'a particulièrement surpris et je dirais même irrité. Vos critiques soulignent la misogynie de la mise en scène et l'indécence des actrices, ils font un contresens total. Oui, les personnages sont jeunes, oui, ils ont des pulsions sexuelles, oui, leur jeu est pervers. Vous fûtes, cher Jérôme, le seul à défendre la mise en scène de cette pièce. Un peu de vigueur, que diable ! Les Liaisons est un merveilleux spectacle qui ravirait toute personne ayant conservé quelques souvenirs de sa jeunesse. Jean-François Tellard, qui habite Paris, j'ai tout aimé dans Les Liaisons façon Malkovich. Les jeunes acteurs, la modernité de la mise en scène, le jeu des textos et des iPads, l'incroyable modernité de la clos. Et j'ai tout détesté dans les interventions ringardes de vos critiques qui sont vraiment, comme vous le disiez, trop vieux dans leur tête. Changez-les. Ce sera sans doute la dernière émission avec Aurélie Sablès, qui habite Montreux en Seine-et-Marne. J'ai aimé Les Liaisons au cinéma. Je les ai adorées à l'atelier grâce à Malkovich et à sa troupe de jeunes talents. Et grâce à eux, j'ai enfin lu le livre de Laclos. Que du bonheur, même s'il est délicieusement pervers. Vos critiques feraient bien d'aller faire une cure de rajeunissement dans une station thermale. Ils vont y aller dans quelques temps, effectivement. Anne Moravski, vous êtes passée bien vite sur la pièce de Malkovich. Je l'avais entendu il y a un mois, Malkovich, sur France Inter. Je peux vous assurer qu'il était autrement plus profond, plus fin, plus intelligent, plus moderne que vous tous. Il avait une vraie démarche sincère. Vous restez superficiel, mais c'est lui l'artiste. Pas vous. Enfin, Sophie Germain. Après, je vous laisse tranquille. Si j'ai été sensible à plusieurs qualités de la mise en scène de Malkovich, je lui demanderai de m'expliquer quand même le choix d'une Madame de Merteuil si dépourvue de sensualité et de féminité. J'ai manqué d'un peu de peau masculine, celle des femmes étant effectivement dévoilée à loisir, mais j'ai aimé les lumières sublimes et la désinvolture un peu triste de Valmont. Ça vous va ou vous en voulez d'autres les uns et les autres? Non, ça vous va? La forme servi. Bien, autre colère. Elle nous vient de Bretagne, elle est signée James Bourran. Je suis en total désaccord avec vos critiques qui ont descendu en flèche Lucide de Spiegelbourg. C'est un Marigny avec Karine Viard. Enfin une pièce qui à la fois distrait et fait réfléchir, c'est si rare. La plupart de vos critiques n'y ont rien compris. Qu'elles paraissent intellectuelles, il est vrai qu'avec cette pièce, on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon, mais mes amis, c'est intentionnel. Spiegelbourg, c'est un alliage réussi de Pedro Almodovar, de Philippe Cadic et de Barillet et Grédy. Ce spectacle m'a éclaté. On ne l'avait pas descendu tous. Peu importe, c'est vous qui êtes descendu ce soir. Il y a, Il y a un coup de cœur de Lucie qui va vous faire plaisir, évidemment. Cher Masque, je suis allé voir aujourd'hui Le Bourgeois Gentilhomme au Théâtre de la Porte-Saint-Martin. J'en suis encore émerveillé. Merci de l'avoir conseillé. François Morel est génial et les comédiens à ses côtés sont incroyables. J'ai 14 ans et je vous écoute depuis un an tous les dimanches. J'adore. Bravo à tous et continuez ainsi encore longtemps, même si les équipes sont appelées à changer. Effectivement, on continuera. Et pour finir, un conseil d'Anne Castel. Cher Masque, je te signale un spectacle, ça je ne l'ai pas vu, hein, à voir à l'Espace Marais. À Paris, un Cyrano de Bergerac, mis en scène par Michel Boutier. J'y allais reculons, traîné par une amie, et j'ai été très ému par cette interprétation. Pas de décor, mais de beaux costumes et un rôle-titre très habité. Ça se joue, j'ai regardé en alternance jusqu'à la fin du mois de juin. Vous ne l'avez pas vu, ce non, Cyrano, les uns non. ou les autres. Non, allez, on commence avec Race, la pièce de David Mamet, qui fait aussi d'ailleurs, qui a beaucoup de succès, je crois, qui est montée par Pierre Laville, à la Comédie des Champs-Élysées. Elle a été créée à Broadway en 2009, je le dis d'emblée, car après l'avoir résumée, vous pourriez croire que j'évoque une pièce, comment dire, opportuniste. Imaginez en effet qu'un homme blanc, riche, est accusé d'avoir violé une femme de ménage noire et pauvre dans une chambre d'hôtel à New York. On ne dira jamais assez combien le théâtre parfois peut être prémonitoire. Bref, le présumé violeur, qui est joué par Thibault de Montalembert, fait appel à deux avocats. L'un blanc, c'est Yvan Attal, l'autre noir, c'est Alex Descasses, pour le défendre et le sortir de ce qu'il faut bien appeler un merdier. Cette pièce sur le racisme ne fait pas vraiment dans la dentelle, encore moins dans la nuance. Elle est même souvent un peu didactique, me semble-t-il. Mais les comédiens sont assez épatants, y compris d'ailleurs, je n'ai pas cité la stagiaire avocate qui est Sarah Martins. Oui, c'est quand même troublant. Je crois qu'on a beaucoup dit au moment où la pièce a été créée, mais on est quand même très, très proche d'une actualité qui continue de faire les beaux jours de la pièce et de la presse. Qu'en pense notre ami Vincent ? C'est une pièce qui a été écrite avant, mais qui effectivement est montée ça, en ce moment. Ça, donc, bien dit, sûr, ça, oui, mais je le redis pour pas qu'il y ait peut-être de confusion par rapport à la démarche de l'auteur, qui n'est pas opportuniste. Peut-être que la ville, effectivement, essaie de nous concerner en nous faisant penser à Strauss-Kahn. On voit surtout un homme, je trouve, sur ce plateau. La pièce, tu l'as dit, est un peu appuyée, oui, un peu didactique. Dans son développement. Elle n'est pas inintéressante. Elle est montée de façon classique, mais avec une certaine énergie. On ne s'ennuie pas un seul instant. Mais moi, j'ai été frappé par l'excellence d'un comédien que j'ignorais, bon comédien au théâtre. Je trouve qu'Yvan Attal, qui Attal, domine. Oui. Et d'ailleurs, la ville a énormément travaillé avec lui. On ne pouvait pas le savoir. Il en avait pratiquement Il en a fait, fait un tout petit peu. Il a Très fait des cours Florent. Mais moi, je ne l'avais jamais vu sur scène, effectivement. Et on se dit que cet homme-là a toutes les capacités pour faire un grand artiste de répertoire. J'aimerais bien le voir aujourd'hui défendre des Molières, j'aimerais le voir jouer du Beaumarchais. Je pense qu'il est capable de beaucoup, beaucoup de choses, d'étoffer encore son jeu. Et quand il est sur scène, eh bien, il domine complètement les autres. Moi, je trouve la distribution très inégale. En tout cas, le travail fait par le metteur en scène avec ses acteurs est concentré sur Yvan Attal, moins sur la stagiaire, moins sur l'avocat noir. C'est aussi le rôle. Hein. C'est aussi le rôle, mais il y a quand même beaucoup plus de faiblesse de la part de ses partenaires. Et même Thibault de Montalembert, qu'on aime bien d'habitude, on l'a souvent défendu au Masque et la Plume, mais il a travaillé avec Chéreau, il vient de l'école de Nanterre, des Amandiers, etc., et bien, semble avoir un jeu beaucoup plus théâtral que Attal, qui fait oublier ou le cinéma ou le théâtre, mais qui est présent, qui est cet avocat qui doute, qui d'abord est arrogant et sûr de lui, et puis qui commence à avoir un petit grain de sable qui se place dans la mécanique. Donc ce type est extraordinairement doué, on le savait déjà au cinéma, mais sur scène, allez le voir déjà pour lui, parce que c'est certainement une révélation. Jacques. Juste un mot à propos de cette ressemblance, effectivement, avec l'affaire Strauss-Kahn. Cette ressemblance s'arrête dès que la pièce commence. Oui. Hein, oui, c'est-à-dire l'oublie que on l'oublie très c'est vite, l'argument, presque quoi. Tout de suite. Quand on raconte, effectivement, non, l'argument, on y pense. Et on peut, le, et c'est, et le c'est début comique, est plus que troublant. Or, c'est exactement le début de la pièce originelle de Broadway. Mais alors, il faut dire que ça s'écarte complètement de cette histoire. Et alors, je pense que vous avez raison, c'est un spectacle assez classique dans sa forme. Mais aussi, ça vient aussi de la mise en scène de Pierre Laville, qui est à la fois, à mon avis, très efficace, mais qui n'est pas d'une folle inventivité. Mais ce qui est frappant, moi, c'est le pessimisme de cette pièce, et c'est ce qu'elle raconte du climat entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis. Moi, j'ai été terrifié par ce que j'ai entendu. J'entends qu'il y a deux communautés qui sont présentées dans cette pièce comme irréconciliables. où on nous dit qu'il faudra encore 3-4 générations avant que les membres de ces communautés puissent se parler sans arrière-pensée, sans peur, sans crainte, sans angoisse. Et je dois dire que j'ai été très frappé par ce... Je n'ose pas dire ce message, ce n'est pas un message, mais en tout cas ce constat que fait David Mamet, je trouve la pièce quand même remarquable. C'est un constat qui est porté par une démonstration tellement manichéenne que je ne trouve pas qu'il soit aussi effrayant que vous le dites. Moi, je ne trouve pas que ce soit exactement manichéen. Je ne trouve pas, parce que les personnages sont plutôt à facettes et même la plupart d'entre eux se retournent un peu comme on retourne un gant et finalement se révèlent faire le contraire de ce qu'on pensait qu'ils allaient faire. Donc, je ne trouve pas que ce soit une pièce manichéenne. Je pense que c'est une pièce, encore une fois, classique, de facture très classique, mais sacrément efficace. Et je crois que son succès s'explique par là. Et puis, évidemment, par l'extraordinaire prestation d'Yvan Attal. Armel. Oui, moi, je suis très troublée par la construction, par le propos de David Mamet. Je dois dire qu'il n'apparaît pas clair. Je ne veux pas qu'il m'apparaisse clairement parce que je pense que c'est Jacques qui a raison. Il voit la société américaine comme vraiment scindée. Et pour le démontrer, d'ailleurs, il installe sur le plateau deux personnages qui sont eux aussi noirs. Il n'y a pas seulement la femme qui a été violée. Il y a l'associé du personnage que joue Yvan Attal, que joue Alex Desca, et puis la jeune stagiaire. Et au fond, l'essentiel de la pièce se passe aussi entre cet Henri et cette jeune Suzanne, parce qu'il lui dit, mais de toute façon, tu te fais des illusions. C'est lui le personnage pessimiste, quoi. Lui, un noir qui est arrivé dans un grand cabinet d'avocats new-yorkais, très brillant, il pense qu'il n'y a pas d'avenir pour la jeune stagiaire, au fond. C'est un peu ça qui est dit à travers la pièce. Il dit surtout et ça, que la guerre n'est pas terminée. Guerre entre deux races n'est pas terminée. C'est très frappant, ça. Alors, moi, je ne connais pas assez David Mamet pour savoir ce qu'il a dans la tête, si c'est juste... Il a quand même l'efficacité américaine du grand scénariste, du grand dramaturge. Mais est-ce qu'il pense vraiment ce qu'il raconte? Écoutez, je ne sais est-ce pas. Est-ce qu'il ne raconte pas un peu la même chose à propos des hommes et des femmes? Si vous vous souvenez d'Oléana, c'était Oléana, ça. C'était exactement ça. La guerre des sexes, ben là, c'est la guerre des races. Ouais. Gilles. Je trouve que c'est une pièce raciste. Je trouve que c'est une pièce très, très douteuse. Raciste. Oui, parce que David Mamet, dont jusqu'à maintenant, j'ai toujours aimé les pièces. C'est un auteur absolument formidable. Et Pierre Laville l'avait très bien adapté, mis en scène. Là, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que c'est une pièce qui cherche à nous montrer, et qui nous montre, qui croit nous montrer, que le racisme noir est beaucoup plus grand que le racisme blanc. Et qui accable le personnage de la stagiaire, de l'assistante, qui est noire, et qui est présentée comme une femme machiavélique qui manipule tout en coulisses. Enfin, tout est fait pour accabler les noirs. Mais je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il montre que le racisme noir est aussi fort que le racisme blanc. Et c'est simplement qu'on le montre moins souvent. Ça commence par nous attaquer le racisme noir. Ça finit par, s'il est coupable parce qu'il est noir... il est coupable parce qu'il est blanc, excusez-moi. Parce qu'il est blanc. Tout le temps, on nous rabâche ça pour nous montrer que les noirs tiennent toutes les cordons de la justice. Enfin, c'est une pièce qui est vraiment extrêmement gênante. Moi, ça m'a beaucoup choqué, cette pièce, vraiment. Et s'il n'y avait pas Yvan Attal, qui est effectivement prodigieux, vraiment un grand acteur, je crois qu'on s'apercevrait que cette pièce, c'est vraiment la pièce de défense des Blancs. D'ailleurs, dans la salle, on sent bien que les gens rient parce que c'est... Alors là, je crois que tu te trompes complètement. Mais absolument. D'ailleurs, on voit bien comment les gens rient dans la salle. Ils se défaussent comme ça de leur racisme en disant « Bon, ben, nous, on n'est pas racistes puisque c'est les Noirs qui sont racistes. Ah, » Parce que les spectateurs sont jugés racistes par toi. Ben parce qu'ils se disent « Ouh là là, cette fois c'est bien, on n'est pas coupable, c'est les Noirs !» C'est exactement ce que fait passer Mamet. Il peut arriver que des Noirs soient coupables, et ça fait même partie de la dignité des Noirs, qu'ils puissent jouer aussi des méchants. Heureusement qu'il n'y a pas que des bons dans les feuilletons, dans les mais films non, américains, mais on voit bien que c'est une qu'on machine peut voir de aussi guerre des, contre des les personnages noirs, de méchants. C'est une pièce qui est raciste, tout simplement. Bon, ben alors pour te plaire, il faut donc qu'il y ait uniquement des gentils Noirs et il des méchants blancs. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de comprendre la pièce, simplement, elle le dit ça. D'ailleurs, je pense qu'on en aura la preuve tout à l'heure. Non, très mais bien. C'est vrai que sur le caractère de l'assistante, c'est très troublant. Il en fait quelqu'un de très machiavélique. Mais on a le droit, encore une fois, de faire un personnage machiavélique et que ce personnage soit noir. Oui, mais ça sert à une démonstration. En allant voir Race de David Mamet à la Comédie des Champs-Élysées. Ubu enchaîné d'Alfred Jarry, C'est monté à l'Athénée Louis Jouvet. Par l'anglais Dan Jemmett, avec dans le rôle de la mère Ubu, Valérie Crouzet, et dans celui du légendaire père Ubu, l'ex-footballeur Eric Cantona, qui monte pour la deuxième fois sur scène après Face au paradis à Marigny, qui n'était pas vraiment un chef-d'œuvre. Quant à Ubu enchaîné, c'est la suite logique Duburois, où le père Ubu décide de devenir esclave pour acquérir une véritable puissance et éviter de se faire lyncher par son peuple. Et là, le King de Manchester est enfermé dans une cage. Est-ce que ça vous a convaincu, Gilles? C'est pas formidable, mais c'est assez rigolo. C'est-à-dire que bon, cette pièce-là, elle est quand même moins bonne que Duburois. Ubu enchaîné, c'est une suite. Un peu... Même Jarry le reconnaissait implicitement. Ouais, ouais. Il en reste pas grand-chose. Ce qui est très curieux, c'est qu'en fait, il est en deux éléments. Il y a cette cage avec Ubu et Madame Ubu comme ça, et qui sont comme ça les horribles bouffons cruels. Et puis quelqu'un qui est une espèce de majordome qui les met en scène de l'extérieur de la cage, qui mange pendant que les autres parlent. Et ça, je trouve ça pas ça très très clair dans la mise d'Anne Gemet. Mais alors, personnellement, j'ai beaucoup aimé Cantona et Valérie Crouzet, qui sont tellement guignolesques, ils sont tellement énormes. Mais alors, c'est-à-dire que c'est vraiment une machine à faire peur aux bourgeois. Donc ils en font des tonnes. Et finalement, c'est très amusant. Dans la salle, c'est très amusant. Je ne sais pas s'il y avait éventuellement, des bourgeois dans la salle, mais il y avait des bourgeois, ils n'étaient pas effrayés. Elle est un peu raciste vis-à-vis des footballeurs, je trouve, moi, la pièce. Jacques. Non, mais d'abord, il faut dire que ce texte n'est pas bon, que, comme vous l'avez dit, c'est une suite, mais que Jarry n'a pas retrouvé le secret du Duburois, il n'a pas retrouvé la drôlerie. Oui, mais de toute façon, ce texte n'est pas bon. Le personnage, il a perdu son humour. Ouais, il est quand même drôle. Non, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle du tout. On l'entend pas déjà, le texte. Deuxièmement, alors... Notre ami Cantona, moi je trouve ça triste ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui crie du début à la fin, qui visiblement, est-ce que c'est lui, je pense que c'est beaucoup la responsabilité du metteur en scène qui l'a poussé à faire ça, en attendant il crie de la même façon pendant une heure, en étant plus souvent vissé sur son fauteuil, dans sa cage, à la toute fin, il se lève un peu. Oui, il crie avec accent, enchaîné. D'accord. C'est le principe de la pièce. Hein. Oui, non, mais d'accord, mais c'est le problème, c'est, il pourrait bouger, il pourrait se lever de son fauteuil. Il est enchaîné, ça ne veut pas dire qu'il soit collé vraiment à la glu sur son fauteuil. Il peut bouger. Mais là, je crois qu'il ne bouge pas parce qu'il ne s'est pas très bien bougé. Et, il et qu'il pas crie parce qu'il ne s'est pas déjà, très bien. Déjà, dans le décor assez abîmé de Marigny, il bougeait très peu. Je crois même le dit avec beaucoup d'humour, ça. La première pièce, j'étais couché, et là, je suis Ben oui, mais c'est drôle. C'est pas un très, très grand acteur. Devant le public, vous savez du reste qu'il y a eu un incident. Enfin, pendant la tournée, notamment Arcachon, il n'était pas très content de ce que le public. Il s'est plaint que le public n'ait pas été assez enthousiaste. Voilà. Il a envoyé une lettre d'ailleurs très très. Alors il a refusé de les saluer d'abord, de venir saluer. Et dans le livre d'or du théâtre, il a écrit public de merde, petit bourgeois. Encore des bourgeois. Comment on sait que c'est lui qui a écrit ça? Mais oui, c'est lui. Qui continue, c'est très bien, au contraire. Bon, non, il est extrêmement mauvais. Non, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur père fouettard que Eric Cantona, quand même. Bah, je pense qu'il était quand même plus à l'aise sur les pelouses que sur les planches, hein, franchement. Voilà, c'est un spectacle en dessous de tout, très mauvais. Oh ben ça dure une heure. Et une heure c'est très court. Eh bien, je vous assure, on a l'impression qu'il est 2 heures du matin quand on sort. Vraiment. Oui, on sort effondré, Vincent, c'est assez lamentable. Quelle heure est-il, 2 heures? Ben, c'est épouvantable, c'est triste. Moi, je suis d'accord avec Jacques, je partage sa peine pour ce comédien qui n'est pas encore un bon comédien, qui a encore beaucoup de travail à faire. Pourquoi tu n'as pas fait l'atelier d'Éric Cantona sur France Inter? Il me fait peur, cet homme-là. il a un côté gorille derrière sa cage. Effectivement, il s'époumonne. On n'entend pas le texte. En plus, son accent, pardon. Il y a peut-être un peu de racisme de ma part, mais fait qu'on n'entend pas beaucoup le texte. Et puis, il y a un comédien italien qui joue le majordome. Il est bien, il est doué, mais il lui fait faire le clown en permanence, donc des ratages. Il va faire tomber une assiette, gling, l'assiette se casse, gling le verre, gling le faux plat qui tombe. Il y a des nuisances sonores qui vous mettent la tête en bouillie et vous êtes heureux de quitter votre fauteuil. C'est un gros échec pour moi. Armel. Oui, moi je vous trouve sévère parce que moi je pense que c'est mal adapté parce que le texte a été beaucoup remanié, ils ont rajouté des textes, enfin on ne comprend plus rien à l'histoire assez simple de cette suite du but. Et c'est pas dirigé du tout. Et avec ça vous avez aimé? Non, pas aimer, il ne s'agit pas d'aimer ou de ne pas aimer, mais je suis sensible aux efforts louables que fait M. Éric Cantona pour changer de terrain de jeu, littéralement. Et c'est vrai que c'est lui-même qui le disait. Le soir où j'y suis allée, il y avait une rencontre avec le public, donc par curiosité, bien entendu, je suis restée. Et il était le seul à avoir de l'humour, et sur lui-même, et sur le spectacle. Je vous dis, c'est lui qui disait, décidément, j'ai pas de chance. Première pièce que j'ai jouée, j'étais couché, là je suis assis, je ne peux pas bouger. Je l'ai trouvé très sympathique et c'est vrai, pas dirigé. C'est donc Ubu Enchaîné, c'est donc de Jarry, c'est avec Eric Cantona. Et c'est au théâtre de l'Athénée, Se Trouver ER. C'est la pièce de Pirandello, mise en scène au théâtre de la Colline par Stanislas Nordet, qui nous a valu, là, souvenez-vous, l'échelle de Nordet. De feu notre ami Bernard Thomas, c'est avec Emmanuel Béard qui avait déjà joué les justes avec de Camus avec lui. Béard qui joue ici avec tout son cœur et toutes ses lèvres la célèbre actrice de théâtre Donata Gensi, laquelle vit le drame de toutes les vedettes adulées par le public, dévorées par leur rôle et qui finissent par perdre leur identité. Donata Gensi, donc, qui se repose chez une amie sur la Riviera et ne sait plus vraiment où elle en est, si elle peut encore aimer. Et elle s'enfuit sur le voilier d'un jeune aristocrate suédois, qui est joué par Vincent Dissèze, qui lui demande de renoncer au théâtre et de lui préférer la vie. C'est donc une pièce de Pirandello qui dure à peu près 2h20, qui repose évidemment sur les épaules de l'actrice, en l'occurrence Emmanuel Béard, dont le modèle, je parle du rôle, était la Martha Abba de Pirandello, dans un décor très glacé, pour ne pas dire réfrigérant, avec d'autres comédiens que je citerai peut-être tout à l'heure. Jacques. Écoutez, je suis un peu mal placé pour parler du spectacle, dans la mesure déjà, je n'ai pas une passion pour Pirandello, et cette pièce-là, dans l'œuvre de Pirandello, me paraît particulièrement peu intéressante. Oh, Jacques. Oui, bah, ça y est, je savais que j'allais avoir des réactions outrées, mais bon, tant pis, qu'est-ce que vous voulez, je pense de cette pièce qu'elle est extrêmement bavarde et que, surtout, elle soulève pendant un temps très long une problématique très simple qui est, et qui n'est pas nouvelle, qui est de se demander si l'acteur ou l'actrice, en l'occurrence, peut avoir une âme, si c'est quelqu'un qui a une personnalité réelle, ou bien si c'est quelqu'un qui n'est fait que de petits morceaux de rôle, qui n'est qu'un manteau d'arlequin. C'est une belle question. Voilà. C'est une belle question, mais franchement, ce n'est pas la première fois qu'on se la pose. On se la pose depuis qu'il y a des acteurs. Donc oui, ça fait de dramaturges l'ont raconté, être dévoré par son rôle. Mais seulement, est-ce que ça tient toute une soirée? Je ne crois pas. Et alors, surtout, je crois que Nordet fait une erreur. C'est qu'il essaie de jouer cette pièce de façon très large, déjà sur une scène immense, alors que je pense que Pirandello était joué dans des théâtres plus intimes, qui se prêtaient mieux à ce genre de théâtre qui est quand même très cérébral et encore une fois très, très bavard. Et là, il élargit dans un décor immense, sur une scène immense, et en donnant aux acteurs un jeu carrément opératique. On a l'impression d'avoir des chanteurs d'opéra. Ils sont face à la salle. Ils se parlent sans se regarder, ou plutôt ils ne se parlent pas. Ils s'adressent sans arrêt à la salle. Ils sont très hiératiques et ils ont une surdiction, je ne sais pas, une surarticulation qui fait que, petit à petit, le peu d'humanité, de sensibilité qu'il pourrait y avoir là-dedans, ça ne passe pas malgré le talent de Béard, qui est une remarquable actrice, et d'autres acteurs qui sont très bien là-dedans, c'est pas la question. Je crois que c'était surtout pas le lieu, la grande salle de la Colline, pour ça. Et puis alors, le décor m'a un peu agacé, je dois le dire, non seulement par sa taille, mais souvent par son inutilité. J'ai vu, il y a par exemple une scène où on avance deux grands escaliers qui se rejoignent et qui font une sorte de pont, une sorte d'arche. Ça ne sert à rien pour la scène qui va se jouer. Et là, bon, il y a quand même... j'ai pas à contrôler les dépenses de tout le monde, mais enfin là, c'est quand même un excès incroyable de dépenses. Pour rien. Armel. Je ne suis absolument pas d'accord. Premièrement, j'adore Pirandello. Et deuxièmement, je mets cette pièce au-dessus de toutes parce que je la trouve passionnante. Il y a Henri IV qui est une des plus belles pièces. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai. Là encore, sur le double et sur la... Voilà. Le théâtre oui, et la oui, vie. C'est la même, c'est beaucoup plus la même, fort, Henri IV. C'est la même question sur l'identité, sur qui est-on. Et c'est, moi, je trouve, enfin, j'aime beaucoup cette pièce. Je ne l'avais jamais vue jouer. Je crois qu'elle n'a été jouée qu'en 66, mise en scène de Claude Régis avec Delphine Seyrig et Samy Frey, et que depuis, elle n'avait jamais été reprise. Et moi, j'étais passionnée. Il y a une traduction de Jean-Paul Manganaro. Il y a des dialogues entre les femmes, parce qu'elle n'est pas la seule femme, cette Donata Genzi, là, qui est un peu la Martha Abba, qui était la muse de Pirandello, comme l'a rappelé Jérôme. Il y a des choses d'une puissance, d'une introspection, d'une lucidité sur qu'est-ce qu'être une femme, qu'être une comédienne, comment se situer. À un moment, elle est tellement perdue, parce que se trouver, ça veut dire qu'elle est paumée, bien entendu. Elle voile tous les miroirs de l'endroit où elle est. C'est une star, hein. Enfin, il faut et imaginer quand même une star énorme, absolue. Quoi, à l'égal d'Emmanuel Béat. Non, moi, j'ai été passionnée par ce spectacle. Bon, c'est vrai qu'il faut accepter la sophistication de la mise en scène de Nordet, toujours un petit peu pareil, avec ses personnages, comme l'a dit Jacques, hiératiques, avec simplement les mains qui s'expriment au fond. Mais d'abord, il y a une telle puissance sensuelle et sensible dans la personne d'Emmanuel Béart que même le plus grand des carcans formels qu'on lui impose là, elle y obéit et en même temps, elle le surmonte, quoi, elle le sublime. Bon, non, moi, j'adore ce spectacle. Gilles, je devrais ne pas aimer ça parce que c'est presque tout ce que je déteste et finalement, je suis quand même pris, séduit par ce spectacle. Moi, je suis pas très fanatique de Pirandello. Je trouve que c'est très théorique, très abstrait, très pédagogique. Et là, il y a des paquets d'explications théoriques toutes les 10 secondes. Enfin, le texte est très lourd. Alors, Manganaro, qui est un traducteur génial, a beaucoup amélioré ça. Mais malgré tout, il nous dit dans l'édition de l'avant-scène que c'est la langue de l'orgasme. Alors là, l'orgasme, je vois pas ça du tout comme ça. Bah, vous avez forcément un souvenir. ça, c'est vraiment un orgasme assez abstrait. Donc ça ne me plaît pas énormément. Le mise en scène de Nordet, et comme il le fait depuis des années maintenant, parce qu'au début, Nordet, c'était vraiment éblouissant. Maintenant, c'est très systématique. C'est effectivement les acteurs qui sont face au public et qui tournent la tête dans le sens du public pour prononcer très droit. Au moins, on les entend. Très droit. Oui, mais alors, ça limite le jeu. Même Emmanuel Béart, qui est très, très bonne, elle est quand même un peu coincée par cette direction d'acteur où il faut être toujours comme ça, raide devant le public. Et malgré tout, c'est une chose qui vous plaît. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord sur le décor. Je trouve ce décor d'Emmanuel Clolus très beau. Et parce que je crois qu'il évoque l'Italie fasciste. L'Italie fasciste à laquelle appartient... C'est très Mussolini. Et Pirandello a été un peu fasciste, hein, ne l'oublions pas. Il y a une allusion, à mon avis, dans le décor qui est très belle. Ouais. Et ce décor, je trouve qu'il est de plus en plus beau avec la soirée. Donc c'est une chose que j'ai envie de ne pas aimer et que j'aime malgré moi. C'est donc dire que c'est quand même une chose très troublante et très intéressante. Vincent. Moi, le trouble vient de la correspondance entre ce que dit Emmanuel Béart d'elle aujourd'hui, notamment dans Le Monde, il y a quelques semaines à Brigitte Salino, et le rôle qu'elle interprète. On parlait du double chez Pirandello. Je rappelle ce qu'elle disait. Le miroir entre elle et son personnage est fascinant. Alors, vous le trouverez facilement sur le net, ce papier. Elle explique qu'elle s'est fait opérer des lèvres et que ça a été un ratage total et que depuis, elle vit comme femme et comme actrice avec cette douleur qui est d'avoir une bouche difforme et qu'elle a très peur de vieillir puisque dans ce métier, soit on se refait le visage, soit on boit, dit-elle. Elle parle d'une façon aussi radicale et qu'elle ne sait pas ce qu'elle va devenir et comment elle va vieillir. L'interview est formidable et très touchante. Et le soir même, ou quelques jours après, je la vois dire, je ne me souviens plus exactement de la phrase, mais elle dit par exemple dans son rôle, ce visage, je l'ai trop façonné. Et elle parle de ce que c'est que de se donner à des auteurs et au public et d'être incapable finalement de ne pas jouer dans la vie. Moi, je trouve que toutes ces questions de la comédienne et de la femme sont passionnantes. C'est la première fois, moi, que je les voyais sur scène. Et cette façon de plonger dans ce rôle m'a bouleversée. Je l'ai trouvée bouleversante. Et je trouvais que contrairement... Est-ce que tu peux me rappeler combien de temps dure le spectacle ? 2h20. Je ne me souviens pas de la durée. 2h20, je trouve, c'est long pour cette petite question. Je suis d'accord. Question. Que le spectacle est parfois, la pièce est parfois un petit peu bavarde et plus ou moins ennuyeuse à certains moments, mais ce miroir qui est celui de Béart avec ce rôle est absolument fascinant. En revanche, je trouve que Vincent Dicez, qui moi m'épate toujours, là est un petit peu trop dirigé par Nordet dans ce registre, effectivement, on va dire expressif, un peu trop fantomatique. Oui, c'est un peu aussi le rôle, ça, du jeune Aristo. Oui, mais il m'a pas bouleversé dans ce rôle-là, alors que d'habitude je le trouve formidable. La distribution est inégale, effectivement, les bras qui se lèvent et qui redescendent du système Nordet, moi me fatigue beaucoup. Il joue le beat de cette façon-là aussi. C'est un grand acteur, lui, mais. Mais pour Béart, foncé. Alors, c'est Se trouver, c'est Pirandello, grand dramaturge, je persiste, c'est au Théâtre de la Colline, et c'est avec Emmanuel Béart. À peine a-t-il monté de manière d'ailleurs très tchékovienne, je trouve, la villégiature de Goldoni aux Français, qu'Alain Françon retrouve son cher Tchékov aux Amandiers Nanterre, où il met en scène Oncle Vania, dans une traduction de Françoise Morvan et André Markovitch, avec Éric Caruso, Catherine Ferrand, Jean-Pierre Gault, Guillaume Lévesque, André Marcon, Laurence Montandon, Gilles Privat qui joue Vania, Barbara Tobola et Marie Vial. Ces scènes de la vie de campagne sont troublées, je le rappelle, par l'arrivée d'un professeur, c'est Marcon, dans une maison peuplée de vies, comment dire, insatisfaites, d'amour malheureuse, de souffrances silencieuses et surtout d'esprit résigné. C'est donc tchékovissime. Ça va se jouer, alors je le dis, jusqu'au 14 avril, c'est pas très, ça va pas durer très longtemps, mais ça part en tournée, je le rappellerai peut-être à la fin, Amiens, Chambéry, Genève et d'autres villes encore. Vincent. Alors, je suis toujours très fan, moi, du travail de Françon, de plus en plus, d'ailleurs, je trouve qu'il... C'est un bosseur incroyable, quand même. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il travaille. Il n'arrête pas. On a vu beaucoup de choses, je crois que c'est le septième spectacle de Françon consacré à l'œuvre de Tchékov. Tous les grands Tchékov, il les a montés. Moi, pour moi, ça fonctionne encore, je sais que mes voisins auront peut-être des critiques plus féroces que les miennes. Ils n'ont rien dit. Hein. Je les ai lus, et je ne suis pas d'accord avec Nerson. Je trouve que... Non, mais c'est dégueulasse. La fidélité de Françon à Tchékov est payante parce qu'il y a un équilibre absolument magique entre la drôlerie et le tragique de chacune des vies de ces personnages. Je trouve qu'il y a un dépouillement sur scène qui est formidable. Il suffit d'une grande fresque peinte pour évoquer mille choses, pour évoquer la campagne, pour évoquer une saison, pour évoquer un lieu, pour évoquer des températures. On peut avoir chaud ou froid avec ce décor. Je trouve qu'il va en plus diriger son personnage principal, Vania, avec le registre de l'enfance. C'est un grand enfant, ce personnage. Et il traîne toute sa vie un cœur gros comme ça. Et puis il va être obligé, comme souvent chez Tchékov, de se résigner et d'attendre la mort sans pouvoir faire quoi que ce soit. Ça m'a beaucoup touché. Et je trouve que Françon égale Tchékov. Voilà. Alors maintenant, vous pouvez parler, Jacques. D'abord, moi, j'ai aussi énormément de respect, d'admiration pour Françon, qui est un de nos grands metteurs en scène, c'est évident. Mais là, c'est vrai. On a tous aimé la villégiature, je le rappelle quand même. Oui, oui, oui. Et puis les autres, enfin, beaucoup d'autres Tchékov montés par Françon, et souvent avec beaucoup d'humour. Là, je trouve d'abord que le spectacle manque d'humour, mais surtout, ce qui m'a... Paris, gêné, mais vraiment beaucoup gêné, c'est l'actrice qu'il a choisie pour jouer le rôle d'Elena, la femme du professeur, qui est cette femme qui a épousé, parce qu'elle était en admiration devant lui, un homme déjà âgé, mais elle ne s'en rendait pas encore bien compte. Il était prestigieux, il était professeur éminent de faculté. Et puis, elle se retrouve avec un homme qui est maintenant à la retraite, dont le caractère s'aigrit avec l'inaction. Elle s'ennuie. Et cette femme qui est superbe, qui est intelligente, est oisive et elle engendre le malheur autour d'elle. Et notamment mais tout alors, le monde. Où est le problème ? Eh bien là, l'actrice qui joue le Marie rôle... Vial. Marie Vial. Et c'est pas contre cette actrice, je pense qu'elle est une erreur de distribution. Elle donne quelque chose de beaucoup trop jeune, de beaucoup trop petite fille. Et on ne comprend pas qu'elle crée de telles perturbations. Il faut une actrice qui crée une sorte de... C'est Balibar que j'ai vu jouer dedans, qui était absolument magnifique. Jeanne Balibar. Nicole Garcia, enfin, il y en a eu beaucoup. Je crois qu'il faut des actrices beaucoup plus fortes qui nous fassent comprendre, encore une fois, qu'ils soient des sortes de trous noirs et qui attirent tout ce qu'il y a à leur portée. Ce n'est pas le cas de cette jeune fille. Et puis, il se trouve, bon, j'en dis quelques mots à peine, on en reparlera en septembre, qu'il y a un autre oncle Vania qui s'est joué en même temps à Alfortville, mise en scène de Christian Benedetti. Et qui va être repris, je crois. Et qui va être repris en septembre à l'Athénée, je crois. Oui, à l'Athénée. Bon, attendons pour en parler. Juste pour vous dire que ce spectacle, qui lui était monté sans décor, sans costume, sans rien, était lui formidable parce que les acteurs étaient, à mon avis, plus en place. Encore une fois, je ne dis pas ça par manque de respect pour Françon, mais on peut être un immense metteur en scène et de temps en temps commettre une erreur. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse très courte, mais là, c'est à Armel que je vais laisser la parole, pour parler de l'affiche et du programme. Si vous voyez le programme, évidemment, ce n'est pas très radiophonique, mais que je vous dis, c'est la tête de Thomas Sankara, le président du Burkina Faso. Je ne vois président pas trop le rapport... assassiné du Burkina Faso. Je ne vois pas trop le rapport avec Oncle Vania et Armel m'a expliqué pourquoi. C'est quoi l'explication, Armel ? C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle la politique de communication. Alors, j'ai eu le malheur de de m'interroger sur ces affiches, parce que donc pour Vania, c'est ce président africain assassiné qui est en tenue de parachutiste. Donc il y a beaucoup de gens qui croient que c'est un parachutiste noir. Alors est-ce que Vania est jouée par un Africain ? Non, pas du tout. Et l'autre pièce actuellement à l'affiche de Nanterre Amandier, c'est Home de David Storé, qui est une pièce des années 70 qui se passe dans un hôpital psychiatrique du temps de l'antipsychiatrie et tout ça. C'est une pièce très, très intéressante sur qu'est-ce que être fou. Et il y a, pour illustrer l'affiche, illustre, c'est une photo prise en 1989 des jeunes grévistes de la faim sur la place Tiananmen. Et moi, je dois dire que j'ai fait un papier pour le Figaro.fr parce que ça me choque, l'utilisation et le... Quelle est l'explication pour Vania ? Que c'est toute la saison qui est consacrée à la question de la société. Oui, et donc, ils ont été prendre des photos comme ça de l'histoire du monde récent. Mais sans vouloir créer un lien entre Vania... Aucun. Donc, il n'y a aucun lien. D'accord. Et donc, c'est vrai que ça ne sert à rien. Alors, depuis 15 jours, je suis en débat avec le jeune graphiste, mais je continue de ne pas le comprendre. Quelques mots quand même sur le spectacle, là. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec Jacques Nerson. Je pense que Marie Vial est une merveilleuse actrice. Mais là, elle a été dirigée d'une façon très étrange. D'abord, habillée d'une façon très étrange, c'est-à-dire des robes noires qui soulignent sa grande minceur adolescente. Elle pleurniche tout le temps. Or, Elena ne pleurniche pas. Elena surgit et provoque ce que Jacques a dit, provoque le malheur. L'un tombe amoureux d'elle, l'autre rêve d'être comme elle. Et elle-même s'ennuie, souffre. Chez Benedetti, il suffit qu'elle se balance sur une balançoire et on comprend tout. Et là, malheureusement, et ce n'est pas Marie Vial du tout qui est en cause, c'est, je pense, la timidité d'Alain François à la diriger, c'est dommage. Gilles. C'est ça qui m'a paru, moi, pas prêt. C'est-à-dire que je trouve que François n'est pas assez aigu, ne va pas assez loin, comme si la mise en scène de trilogie Vincent de la villégiature l'avait un peu épuisé. C'est très élégant. Il y a le décor de Jacques Gabel est comme toujours splendide. Tout le monde est intéressant, mais c'est encore flou comme mise en scène, c'est encore flou comme interprétation. Par exemple, Gilles Privat, qui est le rôle principal, qui joue Oncle Vania, qui est un personnage qui est très inattendu dans ce rôle, parce que Privat, c'est un visage de clown, c'est quelqu'un qui a joué, qui sait tout et gros bêta, qui est un Pierrot lunaire. Il me semble qu'il est une très bonne idée comme Vania, mais qu'il ne va pas assez loin. Il est encore très loin de son personnage. Il me semble que ce spectacle n'est vraiment pas prêt, à la différence de celui de Benedetti, dont on parlera, qui est prêt, mais qui n'est pas très bien, malheureusement. Alors, cet Oncle Vania, c'est aux Amandiers de Nanterre, et c'est une mise en scène d'Alain Françon. Allez, Erzuli Dahomey, déesse de l'amour de l'écrivain haïtien Jean-René Lemoine. C'est au Vieux Colombier, dans une mise en scène d'Éric Genovès avec Claude Mathieu, François Gillard, Serge Bagdasarian, Bakary Sangaré, Nazim Boujna, Pierre Ninet. J'ai vraiment du mal à le résumer, c'est une sorte de vaudeville délirant. Vaudou fantastique. Oui, où il est question de la mort des enfants, de fantômes, de la disparition de Lady Di, du vaudou, de l'amour des mères, de la gémellité, de l'Afrique et des Antilles, bien sûr. Alors, soit on considère que c'est une œuvre vraiment atypique, originale, soit ça a été un peu mon cas, on a du mal un peu à entrer dedans, Jacques. Moi aussi, oui, non, je ne suis pas entré dedans du tout. Non, moi aussi, j'ai eu beaucoup de mal à entrer dedans, et même, je crois que je suis resté dehors, à la porte. Je suis très frappé parce que dans le programme, l'auteur se recommande d'Almodovar. Oui, oui, oui. Et mais tout le monde j'adore Almodovar. Enfin, je ne suis pas le seul, c'est pas original. Mais je crois que je suis très sensible au cinéma d'Almodovar et surtout à sa drôlerie, à son baroque. Et là, il n'y a rien de drôle. Mais je n'ai pas ri une seconde. Je crois que la salle autour de moi non plus. Non. Donc voilà, je me suis beaucoup ennuyé. J'ai trouvé que c'était plein. Ça a cherché à donner beaucoup de mauvaise conscience aux Blancs, ce qui m'a un petit peu agacé. J'ai trouvé que c'était plein de... Précisément. Ben oui, ça rejoint un peu ce qu'on disait. Et je pense que peut-être que ça aura plu à Gilles de ce point de vue-là, parce que... Les Blancs sont forcément porteurs de tous les vices. Il y a un prêtre, il est forcément pédophile, la mère est forcément une bourgeoise odieuse, etc. Enfin bon, voilà. Enfin bon, c'est plein d'idées toutes faites, d'idées convenues. Mais surtout, on voit mal, enfin, si, on voit que ça se veut effectivement incohérent, une sorte de puzzle, mais je vois mal, moi, le sens profond de cette pièce. Non, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui croient que... Enfin, beaucoup d'auteurs croient que la poésie permet ce n'importe quoi. Eh bien, non, je crois que la poésie a besoin d'être bâtie. On voit bien avec Claudel, les pièces de Claudel sont extrêmement bien faites. Ah, c'est pas du Claudel, ça, c'est ben sûr. Non, c'est pas du Claudel. Et pourtant, il voudrait bien. Gilles. Ah, pour moi, c'est une merveille, ce spectacle. C'est, c'est un bonheur continu, c'est d'une drôlerie, c'est d'une fantaisie, c'est d'une invention. Enfin, c'est extraordinaire. La salle c'est Rielle vraiment Oulard. La meilleure pièce en ce moment. Oh non, Gilles, voir. Non, mais, non, mais si, pas. Mais si. Ah non, Gilles, c'est ne le croyez pas, je vous en supplie. Oui, parce que donc il y a cette pièce de je ne sais pas, je me demande vient, si la comédie que tu joues Vaudou, là maintenant n'est pas meilleure encore. Et qui comme ça, qui est, alors, parce que c'est finalement là, c'est le choc entre le monde occidental et le monde afro-haïtien, quoi. Et donc ça donne quelque chose de tout à fait explosif, tout à fait inattendu, avec des acteurs qui sont absolument formidable. Enfin, Claude il faut Mathieu, s'y faire comme pas des du ânes. Tout, pas du tout. C'est puis on rit tout le temps. Genre, oh, Bagdasarian en prêtre scellé par la culotte de la petite fille, tout ça. C'est, oh bah ça fait rire. Ah oui, c'est drôle. Bravo. Mais c'est tellement transposé avec tellement de beauté dans chaque seconde. Il a aimé la culotte de la petite fille. Tout m'a enchanté. Alors là, je veux dire qu'Éric Genovese a fait une mise en scène superbe. Oh, que non. Le décor de Gabel, encore Jacques Gabel, est formidable avec des apparitions parce que il y a des trappes tout le temps. En fait, c'est un spectacle mais c'est merveilleux d'avoir la capacité qui est d'une voir vie, ce qu'il a vu. D'une vie permanente. On sait ce qu'on a vu. Et avec une invention, un renouvellement permanent. C'est-à-dire que ces 2h20 passent à une vitesse folle. C'est vraiment une chose qui est à mettre de la pièce, mais... au crédit de la comédie française. Qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'une actrice, d'une ancienne actrice qui a plus ou moins été actrice, une française qui est bloquée dans un coin perdu de la France et qui est très malheureuse parce que son fils a été enterré, mort à un accident à l'étranger. Et puis, en fait, on se demande où est quelqu'un vient réclamer le corps et le corps n'est pas celui de son fils. Donc, une espèce de vaudeville bon. Sur les cadavres, finalement. Ouais. Alors, ça pourrait être sinistre. Au contraire, c'est très joyeux. Mais que vient faire la petite culotte là-dedans? Mais parce que le prêtre qui a l'air quelqu'un très répond, bien, est en fait un obsédé sexuel. Ah, oui. Bon, mais... ça fait partie de l'humour et de toute la fantaisie de cette pièce. Non, alors là, je suis désolée parce que j'ai absolument pas vu ça. Et moi, je suis vraiment quelqu'un de très déçu parce que j'attendais beaucoup. J'adore Jean-René Lemoyne, qui est pour moi un véritable écrivain. Il vient de Haïti, c'est vraiment quelqu'un. J'ai aimé tout ce qu'il a écrit jusqu'à présent et tout ce que j'ai vu mis en scène. J'adore Éric Genovese qui signe la mise en scène, qui a fait récemment au Vieux Colombier une mise en scène de Marguerite Duras. Mais parlons formidable. De ce spectacle-là. Bon. Mais là, on ne comprend rien. Claude Mathieu, qui est si merveilleuse habituellement, elle vocifère, elle hurle pendant 2h10. Alors, il y a deux acteurs qui s'en tirent. Ils sont tous des bons acteurs. Mais c'est le couple du frère et de la sœur. Les enfants, oui. Des petits jumeaux, là, qui sont un peu à part. Oui. Mais on ne comprend même pas très bien ce qu'ils viennent faire là, finalement. C'est des petits apartés comme ça. Non, je regrette. C'est un spectacle totalement raté. Vincent. Mais oui, mais je suis d'accord avec Jacques et Armel. Hélas, parce qu'on aime Genovese et on aime Claude Mathieu. Claude Mathieu la cabotine à outrance. Jean-René Lemoyne, c'est un grand auteur. Genovese ne sait pas quoi faire de cette pièce qui n'est qu'une suite de bout à bout, si je puis dire, parce que ce sont des scènes extrêmement courtes qu'il essaie de relier, qu'il essaie de dynamiser, oui. Avec de la couleur. Almodovar réussit à mêler le vaudeville au baroque, au tragique, là, pas du tout, et on passe... c'est assez long aussi, je n'ai pas le souvenir d'un spectacle court, hein, Jacques. Non, là aussi, non, il était 2h du matin. voilà, on passe notre temps de spectateur avec un point d'interrogation sur la tête. À quoi bon et qu'est-ce qu'on nous raconte, voilà. Vous avez une mentalité de petit blanc. Enfin, est-ce que tu peux à nouveau résumer la tête? Ah non, merci. Non, non, non. Laisse-moi animer l'émission, s'il te plaît. Erzuli Dahomey, donc déesse de l'amour. Et déesse, on n'a pas parlé de Bakary Sankaré. Si, je l'ai cité. Avec en femme. Oui, mais en femme. Déesse de l'amour, donc, de l'écrivain haïtien Jean-René Lemoyne. Et c'est au théâtre du Vieux Colombier. Allez, deux pièces en une pour finir. C'est Il faut, je ne veux pas. Alors, Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, c'est bien sûr de Musset. Aussitôt suivi de Je ne veux pas me marier, et c'est Jean-Marie Besset, lequel met en scène donc les deux au théâtre de l'œuvre avec... alors quand je l'ai lu, c'était Blanche Leleu, et depuis, il paraît qu'elle est remplacée par Marilyn Fontaine. Chloé Oliver et Adrien Melin. Chez Musset, la marquise, vous le savez, refuse de se donner au comte au prétexte que les hommes sont des inconstants, la panthère mentor. Et chez Besset, un couple se dispute la veille du mariage. Dans les deux cas et les deux époques, le beau rôle, évidemment, est donné aux femmes. Armel. Ben oui, il a raison, Jean-Marie Besset. Musset, encore mieux. Mais c'est, moi, j'ai adoré ce spectacle qui est modeste. C'est, ouais, voilà, court. C'est modeste. Ça pourrait paraître prétentieux de la part de Jean-Marie Besset de se mesurer, au fond, à Alfred de Musset, de faire un spectacle. Musset autrefois et aujourd'hui, avec les mêmes comédiens, c'est le principe. Et avec aussi. Les trois mêmes comédiens. Alors, moi, j'ai vu Blanche Leleu, je ne connais pas la nouvelle comédienne. Mais je crois que ça commence tout juste. Hein. Mais c'est vraiment. C'est délicieux parce que d'abord la pièce de Jean-Marie Besset est excellente, elle est d'aujourd'hui, ce sont des jeunes qui parlent comme on parle aujourd'hui, avec une espèce de brutalité comme on parle aujourd'hui, et sentimentale en même temps. Non mais c'est bien, c'est très juste, je trouve que ça sonne juste. Et le Musset qu'on voit plus très souvent, autrefois c'était toujours monté en levée de rideau à la Comédie Française et partout, voilà. Mais on ne le voit plus, et c'est moi j'aime beaucoup et je recommande beaucoup ce spectacle qui est très très bien joué, très bien mis en scène. Alors Vincent, pour moi une petite chose, c'est pas inintéressant effectivement de vouloir faire une variation sur le thème de l'amour, du désir, de la passion, de la souffrance amoureuse et du mariage. Et du mariage, bien sûr. Mais je trouve que la pièce de Musset est vieille, est datée, contrairement. Alors que j'aime beaucoup Musset, mais montée comme ça de façon classique et conventionnelle. Mais non, bon, elle est pas montée de façon. C'est un petit levé de rideau que je trouve pas passionnant. Et derrière une pièce qui pour moi tient de la série télé, quoi, un scénario d'aujourd'hui pour la télé, bien mené, mais qui ne dit pas grand chose. Chloé Oliver, moi je trouve que c'est une actrice formidable qui est en train de monter, qu'on avait vu chez Pierre-Lotte l'été dernier dans le Off à Avignon, intéressante et qui a du tempérament. Donc j'étais content de la voir sur scène, qui joue un peu une hystérique, hein, qui a la trouille de son caractère. Elle a du caractère, elle n'est pas hystérique. C'est tout, Jacques. Moi je ne suis pas d'accord, c'est-à-dire que je ne me trouve pas spécialement prétentieux de mettre deux pièces en miroir, comme ça ce n'est pas une mauvaise idée. Je trouve malheureusement que Jean-Marie Besset a très mal monté la pièce de Musset, qui n'est pas une petite pièce, qui est une très jolie pièce, et qu'à mon avis, Vincent trouve petite parce qu'elle est montée. Je crois que Besset, c'est curieux parce que c'est pas son habitude, veut jouer au metteur en scène d'avant-garde, au metteur en scène moderne. Et pas tellement là. Si, et notamment en déshabillant, en commençant à déshabiller l'homme. En commençant à déshabiller cet homme. Mais alors, où est-ce que ça se passe? Ça se passe dans un. On est en 1830 ou 1840, je sais plus. Ça se passe dans un salon romantique à Paris. Le jour où la marquise reçoit, c'est son jour, donc il y a des gens qui peuvent entrer à tout moment. Et là, cet homme, dont on nous dit qu'il est pudique, qui plus tard va montrer justement qu'il est extrêmement réservé, etc., cet homme commence à se déshabiller pour nous montrer qu'il veut coucher avec elle. Mais c'est un contresens total. C'est même, et ça m'étonne de baisser, c'est même une certaine bêtise. C'est une incompréhension. C'est une incompréhension totale de la situation. Cet homme va faire sa demande en mariage, il ne va pas coucher avec elle au milieu du salon, encore une fois, où les domestiques plus près les de la cheminée. Près de la cheminée. C'est un peu comme dans les liaisons dangereuses, au fond. Mais oui, mais il y a une volonté. Je rappelle qu'on peut les voir toujours à l'atelier. Nous, on va aller faire des bon cures thermales. Il y a là une volonté de ne pas tenir compte d'un élément qui est fondamental. À l'époque, ça s'appelle la pudeur. Et je trouve que c'est ne pas comprendre la pièce. La pièce est pour moi massacrée. Et ça, les comédiens n'y sont pour rien. C'est vraiment Besset, je ne comprends pas ce qu'il lui a pris. L'autre pièce n'est pas mal. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais elle est pas mal. Elle dit une chose assez simple. C'est une non-demande en mariage. Bon, la chanson de Brassens racontait ça en 3 minutes aussi. Mais enfin bon, avec un petit peu de... un petit peu un parti pris un peu négatif. Bon, c'est peut-être parce que je suis marié, mais je trouve que c'est un petit peu négatif contre les gens mariés, un peu systématiquement. Ce serait forcément des beaux, ils seraient forcément malheureux. Mais finalement, ils se marient le lendemain. Il ne faut pas raconter la fin. La fin, ça commence comme ça. Je ne suis pas sûr du tout de ce que vous dites. C'est la veille du mariage. Ils allaient, mais... Excusez-moi, ce n'est pas forcément ce qu'ils vont faire. Non, je crois que vous... Je ne suis pas sûr que ça se termine comme vous dites là, mais enfin bon, peu importe. En attendant, je proteste un peu au nom des gens mariés. On n'est pas forcément des beaufs et on n'est pas forcément malheureux quand on est marié. Alors, c'est beau cette déclaration Gilles, d'amour. Oui. Oui, bonsoir, oui, Véronique. Non, c'était une bonne surprise parce que ce qui est quand même très inattendu, c'est que Jean-Marie Besset, qui est l'auteur des gays, des homosexuels, des bisexuels, des changements de la vie sexuelle de la société, devienne le porte-parole des jeunes filles d'aujourd'hui. C'est quand même très surprenant. Enfin, c'est très surprenant. Et il le fait très bien. Il le fait très bien. Anti-homosexuel. Il n'a pas parlé de ça jusqu'à maintenant. Mais c'était ce que c'est pas sa thématique. Monterland a écrit les jeunes filles. Monterland a écrit les jeunes filles, et pourtant il aimait plutôt les petits garçons. Jean-Marie Bessé, qui est quelqu'un d'un certain âge, devient le porte-parole d'une jeunesse. Oh, ben et, voilà. Et je dis qu'il le fait très bien. Qu'est-ce que tu entends? Donc il le fait très bien. C'est ça la bonne surprise. C'est des gens de 20 ans. Mais comme le disait bien Jérôme, c'est des gens de la haute société. C'est des gens qui font des grandes écoles. Il y en a qui travaillent dans un ministère. Jean-Marie Bessé. Non, mais c'est une très bonne surprise, ce spectacle. En plus, le double volet est très réussi. Et donc, c'est Il faut, je ne veux pas. Il faut, évidemment, c'est Musset, je ne veux pas. C'est Besset et c'est au théâtre de l'œuvre. Allez, on termine avec un conseil et on commence évidemment par Armel. Alors, moi, je vais donner deux conseils en région. On a vu au Gémeaux de Sceaux, Mort d'un commis voyageur de Arthur Miller, mis en scène par Dominique Pitoisé, une très grande pièce du XXe siècle, mise en scène d'une façon très particulière et jouée. C'est lui qui joue le commis voyageur, Dominique Pitoisé, c'est remarquable. Et ça se donne encore du 11 au 14 avril à La Criée de Marseille. Et un spectacle que j'ai justement vu à La Criée de Marseille, qui était le premier spectacle de Macha Maïkeïev, qui dirige maintenant La Criée de Marseille. Ce spectacle est en tournée. Et par exemple, vous pouvez le voir à Vannes le 27 avril, au Sable d'Olonne les 4 et 5 mai, à Créteil du 24 au 26 mai. Et c'est un hommage au music hall. C'est un hommage à l'Alhambra de Marseille. C'est un hommage aux artistes de music hall. C'est un spectacle presque sans dialogue, mais avec des chansons, de la danse, de la musique. C'est très joli, très mélancolique. Donc les apages de Maïkeïev en tournée et le commis voyageur actuellement à Sceaux. C'était à Sceaux. Là, ça sera à La Criée, justement, de Marseille. À Marseille. Voilà. Gilles. Oui, alors deux spectacles très marginaux. C'est vraiment des spectacles pour... pas difficiles, mais radicaux dans leur forme. Un spectacle qui s'appelle Les Ratés de Natacha de Pontcharra, qui est un spectacle sur le fait d'être différent des autres, monté à la Comédie Nation et joué notamment par Jean-Christophe Hallé, qui est un spectacle d'une heure, mais extrêmement surprenant, très dérangeant et très beau, très tendre aussi. Donc Les Ratés, à la Comédie Nation jusqu'à la fin avril. Et puis au Ciné 13 Théâtre, un spectacle sur la folie qui s'appelle, je vais lire parce que c'est Abili Fai Léponex. En fait, c'est le nom de psychotrope, c'est le nom de médicament. Ah. Les gens finissent par s'appeler du nom de leur médicament. Et c'est un spectacle de Jean-Christophe Dolé. Sur la folie, c'est pas la parano, c'est joué par Lex Mille et par... Gilles, tu en as pris la maladie, Gilles, la maladie, tu en as pris par Temestar. La schizophrénie, voilà, pardon. Voilà. qui est tout à fait remarquable aussi, également très troublant. Et donc, très tendre également. C'est des tas qui sont difficiles, radicaux, mais en même temps plein d'humanité. Allez, Vincent. On a du temps ou pas? Non. Non. Alors juste Les Cahiers Jean Guillard. Oui, formidable. On ne l'a pas encore signalé. Formidable numéro. La correspondance de Jean Guillard avec sa bien-aimée, sa femme. Ce sont les années 40, là. Donc il y c'est aura vraiment la le suite début du Festival d'Avignon. Les Cahiers Jean Guillard pour Avignon avec la suite de la correspondance. Il y aura la suite à Avignon. Achetez-le parce que c'est passionnant. C'est la foi d'un homme pour la culture, pour tous, vraiment. 7,50 €. Vous l'achetez en le commandant à la maison Jean Guillard. Je vous donne le numéro de téléphone. Vous réécouterez l'émission si vous ne l'avez pas noté. 04 90 86 59 64. 04 90 86 59 64. Villard aurait 100 ans. Je te rappelle que le masque a un site et qu'on trouve toutes les réponses. Renseignements dessus. Jacques. Eh bien, je voudrais signaler une reprise jusqu'au 2 juin, un spectacle qui s'appelle L'Affaire du Sahar, qui est un texte de Jacques Mougenot, joué par Jacques Mougenot, et qui se joue au Ranelagh à 21h. C'est une espèce de conférence sur un peintre mort en 1989 qui a provoqué une espèce de scandale parce qu'il a exposé les murs nus de la galerie où censé être exposé, et l'État a malgré tout préempté cette œuvre pour plusieurs millions d'euros. C'est en tout cas l'histoire que raconte Jacques Mougenot, et je vous invite vraiment à aller le voir, c'est très amusant. C'est où ça? C'est au Ranelagh. Et je vous rappelle donc que vous avez au tête de l'atelier à Paris Les Liaisons Dangereuses, monté par John Malkovich. Merci Armel Elio, Gilles Costaz, Jacques Nerson et Vincent Josse pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Ce soir à la technique, Claire Levasseur, Bruno Martin, Adrien Roch. La réalisation était signée Didier Lagarde. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, ce sera le jeudi 12 avril. Je vous attends à 20h au studio Sacha Guitry pour deux émissions, l'une consacrée au cinéma, l'autre au livre. On parle cinéma dans une semaine. Après le flash de 21h, vous retrouvez Frédéric Lodéon. D'ici là, bonne semaine à tous. À dimanche prochain sur France Inter, évidemment. Merci et à la semaine prochaine, Jérôme Garcin.